1260. À Monsieur 101.7. Où tu étais quand je m'étais des 5 euros d'essence. Et KSFB San Francisco Ostia. C'est le J, c'est le S, un 3 à la fac. J'suis qu'avec des têtes cassées dans la laque. J'les buzz, Marafak. J'les buzz, Marafak. C'est le J, c'est le S, un 3 à la fac. J'suis qu'avec des têtes cassées dans la laque. J'les buzz, Marafak. J'les buzz, Marafak. Culé de ta mère. J'suis en fond de 7 sur la A7, j'suis vers la sienne, du fric à faire. Hey, guerre et gang. Vraiment tata. J'clop plus du métal. J'vise du multistrada. Et en ville, pas de garde du corps, hein. Trois sacoches. Plus vite, c'est plus tard. Votre coche appelle de phare. Matrix. Et j'me casse à Benidorm. Malaga. Pareil que j'aime Bendito. Et va là-bas. Cortège de moto. Fais le signe, j'oule, crie Arafak. Mon poteau. Hey, et le taf, ça fait mal au dos. Hey, les sous, ça vous monte à la tête. Hey, et tu vends ta daronne pour un plot. Petit poteau. C'est le J, c'est le S, un 3 Arafak. J'suis qu'avec des têtes cassées dans la laque. J'les buzz Arafak. J'les buzz, Marafak. C'est le J, c'est le S, un 3 Marafak. J'suis avec des têtes cassées dans la laque. J'les buzz, Marafak. J'les buzz, Marafak. T'as des trucs à dire, on a des trucs à faire, frère. Dans le coin, ça tire, grrr. Histoire de terre. Ça aurait pu finir comme Lewandowski. Mais les gens, ils veulent des sous, mais là, Lewandowski. Sous whisky, qui c'est qui fait le fou, sous son Jaroski. Dans le secteur, y'a des bandits, y'a des petits qui ont grandi. Y'a des voyous, y'a des bandits, y'a des grosses peines, des repentis. Et des fils d'eux que j'avais senti. Sur le vieux port, on est samedi. Y'a le Covid, y'a le confi, y'a les copines, y'a les cousines, y'a les voisines. La limousine m'envoie un Uzi, je les bousille. Scoozie, pas de scoozie. Trop de buzz, j'peux pas sortir l'arme de Roussi. J'te mets le pied au menton comme un poussif. C'est nocif dans la zone sans le Roussi. Quand j'arrive dans la zone, c'est atroce. Sors les CZ, les bolides et les crosses. Et les frères, ils attendent des grâces. Plus elle est bonne, plus l'embrouille, elle est grosse. C'est le J, c'est le S, un 3 Marafak. J'suis qu'avec des têtes cassées dans la laque. J'les buzz Marafak. J'les buzz Marafak. C'est le J, c'est le S, un 3 Marafak. J'suis qu'avec des têtes cassées dans la laque. J'les buzz Marafak. J'les buzz Marafak. C'est le J, c'est le S, un 3 Marafak. J'suis qu'avec des têtes cassées dans la laque. J'les buzz Marafak. J'les buzz Marafak. C'est le J, c'est le S, un 3 Marafak. J'suis qu'avec des têtes cassées dans la laque. Ceci est votre radio KSFB. J'les buzz Marafak. Si la vera que se va a tocar y ahora que es el día San Francisco, hostia. Si es ahora que te muera que la diera, me diera que se no va a ir. Que es el día. A Monsieur 101.7, FM y KSFB San Francisco, hostia. Espero que se va a tocar y ahora que se va a tocar y que es el día que se va a tocar y ahora. Je le buzz, Marafak. Creo que será que se va a hacer el río. Y je suis dans un movie. c'est ce qu'il nous faut dans la boîte à gants. On va le faire pendant des heures. Désolé si je suis absent de temps en temps. Mais la cagoule et les gants. Ouais, j'ai préparé un plan. Ouais, j'ai préparé un plan. Viens, on le fait à deux. Oh yeah. Oh, oh, oh yeah. Viens, on le fait à deux. Oh yeah. Oh, viens, on le fait à deux. Viens, on le fait à deux. J'ai préparé un plan. Oh yeah. Oh, oh, oh, oh yeah. J'ai préparé un plan. Viens, on le fait à deux, on le fait à deux. J'ai préparé un plan. Et je suis dans un movie.